encore le même décor. Hardcore, beaucoup diront que j'ai tort. Beaucoup ne seront pas d'accord. Certains disent que c'est lamentable de jouer le gars qui a la mentale. Sortir des raisonnements, jamais vendre des propos rentables, hein. Dans le but d'éveiller la haine chez ceux qui bancalent. D'esprit sans pâle et qu'ils entendent les mots justice et centrale. Sans blague, car si j'en parle de la sorte, c'est parce que malheureusement aujourd'hui beaucoup de mes semblables veulent croire qu'on peut vivre aisément d'argent sale, me disant que l'oseille nous fait vivre des histoires sans drame. Foutaise, se livrer à des choses douteuses, c'est ignorer sa conscience, ou bien encore pire se foutre d'elle. Du coup, coûteuse l'arrivée, par l'occasion je rends hommage à tous ceux qui sont si pieds sous terre. On joue avec le feu, on se brûle et puis soudain on souffre. Comme qu'aucun homme ne peut vivre sans peine, les douleurs s'imprègnent, le temps laisse son empreinte. Mais que vaudrait aujourd'hui un homme sans tristesse et sans crainte? Je crains le pire, mais j'avance pour le meilleur. Je m'inspire de ce que la vie dégage comme saveur. Je savoure chaque instant de ma vie par le savoir, et cela peut me suffire. Je crains le pire, mais j'avance pour le meilleur. Je m'inspire de ce que la vie dégage comme saveur. Je savoure chaque instant de ma vie par le savoir, et cela peut me suffire. Y'a ceux qui croient en une force divine, et ceux qui divisent ce monde pour mieux régner, en crachant sur nos droits civiques. Cynique je le suis, car aujourd'hui tout est sinistre. Le mal s'immisce encore plus et les démons se promènent en civil. Y'a ceux qui puisent le remède en trouvant les mots justes quand la vie frappe, et ceux qui ont du mal à s'en remettre. Ceux qui se sentent renaître et se relèvent, ceux qui regrettent chaque erreur commise et ceux qui se reprennent. Je parle en connaissance de cause, ces moments où j'ai touché le fond et m'ont fait comprendre que la vie était bien rose. Goûter le pire pour mieux apprécier les bonnes choses, se dire qu'à ces instants le meilleur s'impose. Rien n'est plus atroce que de penser le contraire. À l'approche de la trentaine, la force de l'âme est élémentaire. J'éclaire la lanterne de ceux qui n'ont pas compris que le courage se travaille sur le long terme. Je crains le pire, mais j'avance pour le meilleur. Je m'inspire de ce que la vie dégage comme saveur. Je savoure chaque instant de ma vie par le savoir, et cela peut me suffire. Je crains le pire, mais j'avance pour le meilleur. Je m'inspire de ce que la vie dégage comme saveur. Je savoure chaque instant de ma vie par le savoir, et cela peut me suffire. Je crains le pire, mais j'avance pour le meilleur. Je m'inspire de ce que la vie dégage comme saveur. Je savoure chaque instant de ma vie par le savoir, et cela peut me suffire. Je crains le pire, mais j'avance pour le meilleur. Je m'inspire de ce que la vie dégage comme saveur. Je savoure chaque instant de ma vie par le savoir, et cela peut me suffire.